Chapitre 3e. La nature du Berry que nous avons visité il y a 2 ans est grande et simple. Elle conserve un caractère primitif que la main de la civilisation n'a point encore effacé et que l'on ne retrouve plus guère en France. Les bois y sont rarement percés de route. En certains endroits, la difficulté du transport protège même leur virginité contre les offenses du bûcheron. Des collines couronnées négligemment d'arbres sauvages, des ocres rougeâtres au flanc des montagnes déchirées, des rivières paresseuses, perdues sous des chevelures de vieux saules ou de bouleaux inclinés, et dont l'onde ne se fatigue point à porter de lourds bateaux, tout imprime à cette campagne solitaire un air majestueusement calme qui porte au recueillement. L'absence de l'homme et de ses ouvrages fait rêver à Dieu. Cette nature vierge se marie merveilleusement avec les ruines dont le pays est semé en plusieurs endroits. Il semble que la féodalité s'y soit écroulée d'hier. Des restes de châteaux forts, amas confus de pierres détachées, au milieu desquels le sombre donjon dresse encore son front morne et découronné, se mêlent harmonieusement aux rochers abrupts et aux noires forêts impénétrables. Les guerres de la Fronde ont imprimé la trace de leurs ongles de fer sur ces orgueilleuses demeures féodales que le génie de Richelieu acheva de détruire ou d'humilier. Quelques-unes, pourtant, sont restées solidement assises sur leurs bases inébranlables. Enveloppées dans leur solitude et leurs murailles comme un guerrier vaincu dans son manteau, elles dominent les hauteurs pittoresques du Berry. Les mœurs ont gardé quelque chose du Moyen-Âge, surtout dans certaines familles anciennes, qui refusent obstinément tout contact avec le dehors. Néanmoins, il est vrai de dire qu'en général, une nouvelle génération, peu en harmonie avec cette sévère architecture, peuple aujourd'hui les châteaux du Berry, véritables nids de pierre dont les oiseaux de proie ont disparu. Le luxe, souvent même la coquetterie parisienne, égaye ces bastilles féodales d'ornements peu en harmonie avec la rudesse du cadre. De jeunes femmes dressées aux manières de nos grandes villes font les honneurs de leur salon avec une grâce et une aisance charmantes, dont les anciennes châtelaines raides et sévères s'indignent sourdement sur leurs vieux portraits religieusement accrochés au mur. Un fait remarquable, c'est que les destructions, si profondes et si acharnées qu'elles aient été, n'ont pu entièrement soulever de terre ces châteaux indéracinables. Les paysans sont venus après les démolisseurs pour arracher les ruines du sol, mais ils n'y sont point parvenus. Ces monuments de l'histoire féodale sont restés intacts de leurs fondements pour attester à l'avenir le passage d'une race de géants presque inconnus. Des troupeaux de bœufs lourdement agenouillés ou quelques chèvres légères pendues aux restes indestructibles de ces constructions vénérables achèvent de former pour le voyageur des tableaux pleins d'enseignements et de poésie. Lorsqu'on étudie les lieux, on ne tarde pas à remarquer que les châteaux épargnés par les ravages de la Fronde et demeurés debout dans le pays sont presque tous des constructions sans importance militaire, dont toute la valeur s'appuyait sur la position et la défense de leurs voisins. Les premiers soutiens du régime féodal démoli, on a laissé subsister les autres châteaux comme incapables de faire ombrage à la royauté. Presque toutes les constructions du Moyen-Âge restées debout dans le Berry se servaient en effet des châteaux aujourd'hui abattus comme d'auxiliaires puissants qui les mettaient à couvert contre une surprise et un coup de main. C'est ainsi que le château de Chazelet, demeuré intact, trouvait alors dans ses alliés de Luseret et de Chassin-Grimont des frères d'armes qui le fortifiaient et que la démolition a atteint pour cette cause. Les demeures féodales, maintenant renversées, offrent en effet des restes de donjons, de poternes, de tours crénelées, et tout un luxe de fortifications dont les autres châteaux conservés sont bien loin de présenter l'aspect sauvage et menaçant. Il en est de ces monuments-là comme des hommes, ce sont les plus forts qui succombent les premiers. L'habitation du comte de B, si sombre et si sévère qu'elle semble de nos jours avec sa masse imposante de tourelles, ses murs épais, ses ponts-levis, ses créneaux, ses portes basses, ses cours intérieures entourées de fossés, son assiette ferme et menaçante sur le sommet d'une colline, n'était donc guère pour les rudes barons du Moyen-Âge qu'une maison de plaisance.